Bonjour à toutes et à tous. Pour ce mois-ci, donc nous avons déjà fait un petit épisode spécial sur les élections des États-Unis et donc nous avons décidé de compléter ce mois par un autre petit épisode sur l'actualité, un peu dans le même genre que ce qu'on faisait avant. Et donc sur le Haut-Karabakh, sur les hostilités qu'il y a eu ces dernières semaines en Haut-Karabakh. Et donc nous retournerons vers les grands dossiers dès le mois prochain. Vous écoutez Léviathan, votre podcast dédié aux relations internationales et à la défense. Donc je laisse la parole à Océane qui va nous faire tout d'abord un petit retour historique sur la situation dans la région pour ensuite en venir aux actualités. Alors, avant de commencer à parler de ce conflit, j'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous visualisiez un globe, une carte du monde. Alors fermez les yeux, vous les avez bien fermés, c'est bon. Alors vous imaginez très probablement cette carte que l'on connaît tous, hein, qui est très surreprésentée en France, c'est-à-dire une carte où vous voyez la France au milieu, l'Europe, la Méditerranée, un petit peu le nord des pays du Maghreb. Alors très bien, on va commencer par ça, et on va commencer notre voyage à Marseille. Je veux que du départ à Marseille, vous suiviez les côtes du nord de la Méditerranée. Donc vous suivez, vous allez arriver en Italie, vous suivez les côtes italiennes, vous allez arriver finalement en Grèce, sur les bords avec la belle mer bleue. Et si vous continuez, vous allez arriver en Turquie, donc aux frontières de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient. Alors là, on va s'arrêter pour la Méditerranée et on va traverser la Turquie en longueur. Donc à l'ouest de la Turquie, la Méditerranée. Au sud, vous avez la Syrie, l'Irak. Au nord, la mer Noire, et à l'est, eh bien pour beaucoup d'entre vous, c'est assez flou ce qu'il y a à l'est de la Turquie. Peut-être vaguement la mer Caspienne, mais entre la Turquie et cette mer-là, il y a quelques frontières très importantes qui vont être au cœur de notre réflexion aujourd'hui. Si vous êtes perdu, mettez-moi sur pause tout de suite et allez attraper une carte. Je vous laisse 2 secondes. Donc à l'est de la Turquie, eh bien le pays partage ses frontières avec la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. Juste à côté de la mer Caspienne, pas si loin de la Turquie et collé à la Géorgie et à l'Azerbaïdjan, on a la Russie. Si vous regardez bien, vous verrez que l'Azerbaïdjan est coupé en deux par l'Arménie. Et à l'est de cette sorte de passage, votre carte l'indique peut-être, le Haut-Karabakh. Votre carte est donc formelle, cette petite région de 11 430 km², soit un peu moins en superficie que l'île de France, bien fait partie de l'état de l'Azerbaïdjan. Or, votre carte est peut-être formelle, mais les populations qui y vivent, elles, ne sont pas de cet avis. Laissez-nous donc vous expliquer les origines de la guerre qui se déroule dans la région du monde, qui n'est pas si éloignée de ça de nous, les Européens, mais que nous connaissons finalement peu, et qui représente pourtant un véritable carrefour entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient, dans lequel de nombreuses luttes et de multiples conflits, qui mêlent un nombre assez important et conséquent d'acteurs, se croisent. Donc l'histoire du Haut-Karabakh prend ses racines dans l'histoire de l'Arménie. Alors on va se pencher un petit peu sur les grandes lignes de son histoire. Petit disclaimer avant de commencer, il est évident que je n'arriverai pas à vous retracer une histoire fidèle de la région en 5 minutes. Alors je vous propose de lire quelques articles plutôt bien faits qui devraient apparaître dans la description de cet épisode. Mais voilà, je vais essayer de retracer rapidement les grandes lignes. Donc l'Arménie, c'est une très vieille civilisation qui remonte à avant l'Antiquité. Entre 880 et 600 avant notre ère, l'Arménie était un royaume plutôt prospère qui faisait face à l'Assyrie, dont le nom devrait vous rappeler vos anciens et obscurs cours d'histoire de 6e normalement, Assyrie et Arménie. L'Empire perse s'empare vers -500 du royaume qui devient une de ses provinces. On retrouve les traces de cette ancienne domination perse aujourd'hui par des éléments de culture iranienne dans la culture arménienne. Souvenez-vous, les deux pays partagent aujourd'hui une mince frontière. Ce sont les conquêtes grecques d'Alexandre le Grand qui rendent à l'Arménie son indépendance, avant de se faire réintégrer dans l'Empire perse, encore une fois, en -200 avant Jésus-Christ. Bon, on n'avance pas très vite avec tout ça, mais laissez-moi résumer les 800 ans avant Jésus-Christ et la suite de son histoire. L'Arménie a été absorbée par l'Empire perse, a été sous influence grecque, a été l'objet d'affrontements entre les empires parthes et romains, a connu l'indépendance politique et la vassalisation, a étendu et a réduit ses frontières au rythme de conquêtes et d'arrangements diplomatiques. Elle s'est même étendue jusqu'à la mer Caspienne, donc dans l'actuel Azerbaïdjan. Elle a été évangélisée en l'an 4 après Jésus-Christ, donc évidemment, avant d'être coupée en deux à cause du conflit entre les Romains et les Perses. Empire sassanide, empire byzantin, bref, vous voyez le tableau, l'Arménie a été l'enjeu de nombreux conflits entre empires depuis bien longtemps, et ses frontières sont mouvantes. Comme vecteur d'identité, reste la culture spécifique à l'Arménie, à la fois l'origine dans l'Antiquité et les influences des nombreux empires qui se sont battus pour elle, mais aussi et surtout son attachement à la religion chrétienne. Malgré les nombreuses tentatives de conversion, notamment au 7e siècle avec les conquêtes arabes de la région. Donc vous voyez bien que l'Arménie, c'est moins une histoire de frontières en soi qu'une histoire de culture. Le territoire de l'Arménie se voit réduire de plus en plus au fil des conquêtes arabes et mongoles. Ah oui, parce qu'il y a aussi l'empire mongol qui vient dans cette région-là. L'affaiblissement de l'un ou l'autre de ces empires est toujours l'occasion pour l'Arménie de revendiquer une certaine autonomie, une indépendance, et de regagner parfois un statut de royaume. Égyptiens, ottomans, safavides se rencontrent et la diaspora arménienne se construit partout autour de la région et va jusqu'en Europe. Donc ça c'est assez évident. Quand on a un territoire comme ça pour lequel se battent de nombreux empires, il est assez évident qu'on voit naître des déplacements de population importants. Et donc aujourd'hui, vous pouvez remarquer d'ailleurs, on a des fortes populations arméniennes un petit peu partout en Europe, un petit peu moins en Turquie, mais on y reviendra peut-être. La politique russe et son soutien aux chrétiens, à peu près au XVIIIe siècle, fait renaître les velléités étatiques et indépendantistes arméniennes. Mais l'Empire ottoman, en plein déclin, massacre les Arméniens ottomans, ce qui marque le premier génocide du XXe siècle. Donc c'est ce dont on parle quand on parle du génocide arménien. Génocide qui est toujours nié par la Turquie, par ailleurs. Donc alors que l'Arménie réclame l'indépendance, et ce malgré le génocide au XXe siècle, l'influence de l'Union soviétique vient retarder la création d'un État indépendant. Néanmoins, c'est en 1887, grâce à Mikhail Gorbatchev, que l'Union soviétique met en place une politique d'autodétermination nationale. En 1988, le Haut-Karabakh azéri est rattaché à l'Arménie. Il faut souligner que le Karabakh faisait partie à ce moment-là de l'Azerbaïdjan, et le Haut-Karabakh, lui, a été cédé à l'Azerbaïdjan dans les années 20 sous domination soviétique. En fait, c'est une région qui a bougé en termes de à qui elle appartenait. En 1990, l'Arménie déclare sa souveraineté par rapport à l'Union soviétique, et puis son indépendance en 91 quand l'Union soviétique s'écroule. Donc la région du Karabakh et du Haut-Karabakh sont objet de confrontations intellectuelles, économiques et militaires entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ces frontières ont été si mouvantes que cela est un objet de lutte entre la Turquie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan d'un côté, et la Russie, l'Arménie et l'Iran de l'autre. Vous voyez un petit peu trois États qui sont plus ou moins alliés dans leur manière de voir la géopolitique de la région. Le Haut-Karabakh n'est pas à l'origine de toutes ces tensions, mais c'est là où toutes ces tensions se cristallisent. Il faut bien se rendre compte que la question des frontières, elle est fondamentale lorsqu'on parle de géopolitique, et de nombreux facteurs viennent compliquer, envenimer ou empêcher les discussions et les négociations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. En 1905, en 1918, et puis entre 1991 et 1993, on a eu trois guerres qui ont été menées entre les montagnards du Haut-Karabakh et les Azéris, donc les habitants de l'Azerbaïdjan qui étaient autrefois appelés les Tatars. On parle même de catastrophes humanitaires entre 1991 et 1992. Les Azéris tentent de reprendre le contrôle de la région du Haut-Karabakh qui veut leur échapper. Le Haut-Karabakh lutte et depuis 1991, veut soit être indépendant, soit être rattaché à l'Arménie, dans l'objectif de reconstruire la Grande Arménie. C'est une idée qui a été revivifiée et recréée sous la plume d'intellectuels arméniens au XXe siècle à peu près. Donc le Haut-Karabakh prononce son indépendance en 92, soit un an après la prononciation de l'indépendance de l'Arménie lors de la chute de l'URSS. J'espère que vous suivez toujours. Donc en 92, le Haut-Karabakh prononce son indépendance après l'annonce d'un cessez-le-feu en 91 qui n'est absolument pas respecté. De nombreux cessez-le-feu ont été des tentatives complètement infructueuses, mais c'est le cessez-le-feu de 1994 qui est finalement observé après l'adoption de 4 résolutions par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1993. Cette guerre entre 91 et 94 aura fait 30 000 morts, à peu près, et des centaines de milliers de déplacés. Vous observez d'ailleurs que je parle de cessez-le-feu et pas de traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce qui est assez révélateur en soi. Il n'y a toujours pas de traité de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mais c'est pas parce que le cessez-le-feu est respecté, globalement, à partir de 1994, que les tensions disparaissent. En 2016, il y a la guerre des 4 jours, donc en avril 2016, qui provoque la perte de quelques hectares du gouvernement arménien sur le Haut-Karabakh au profit de l'Azerbaïdjan. Mais aujourd'hui, le Haut-Karabakh est une république de facto, suite à leur déclaration d'indépendance, mais qu'aucun autre État ne reconnaît. Alors, le Haut-Karabakh, en ayant déclaré son indépendance, a dit « Nous sommes la république », qui est appelée la république d'Artsakh. J'espère que je la prononce correctement. Or, cette république n'est reconnue par aucun État au monde. La reconnaissance est essentielle lorsqu'on parle d'un État et de ses frontières. Si on n'est pas reconnu en tant qu'État, notamment par l'Organisation des Nations Unies, eh bien on n'est pas protégé par le droit international de la même manière. On est donc beaucoup plus susceptible d'être une victime d'une invasion. En l'occurrence, le Haut-Karabakh n'est pas reconnu comme une république, mais est aujourd'hui reconnu comme faisant partie légalement de l'Azerbaïdjan. Sur ce point de reconnaissance d'État et des frontières, il faut bien voir que reconnaître un État en tant qu'État ou se mettre d'accord sur une frontière, c'est pas si évident que ça. On a l'habitude que ce soit finalement assez courant, hein, on n'a pas de guerre récente entre la France et l'Italie ou l'Allemagne et la Belgique pour connaître les frontières. Néanmoins, aujourd'hui, ça cause toujours beaucoup de problèmes. On le voit dans la question israélo-palestinienne, évidemment, mais aussi la question des frontières entre la Chine et les îlots en mer de Chine, la question de Taïwan, par exemple, indépendance, pas indépendance, vous voyez, on reprend un petit peu les mêmes dynamiques dans cette région du Haut-Karabakh. Mais alors, pourquoi est-ce que le Haut-Karabakh se bat contre l'Azerbaïdjan et ne veut pas s'y rattacher ? Eh bien, c'est pour une question d'autodétermination des peuples. Vous avez déjà dû entendre cette expression. La quasi-totalité de la population de cette région est arménienne. Mais l'Azerbaïdjan refute cet argument et met en avant l'occupation illégale de l'armée arménienne sur le territoire qui lui appartient légalement, ce qui représente quand même 13% de la totalité de son territoire. Donc, pour faire un point, on est dans une région où le peuple du Haut-Karabakh est globalement arménien. On a une partie du peuple qui veut être rattachée à l'Arménie, une autre partie du peuple qui veut juste son indépendance par rapport à l'Azerbaïdjan. Mais le territoire, légalement, appartient à l'Azerbaïdjan. Globalement, voilà ce qui cristallise tous les conflits sur une région, je rappelle, qui fait à peu près la taille de l'île de France. Donc on parle quand même d'un tout petit, une toute petite semi-république ou république de facto. Donc, comme vous avez pu le voir, la situation géopolitique en Haut-Karabakh est extrêmement compliquée. Elle a impliqué de nombreux acteurs internationaux et pas que des États concernés. Et en plus, comme l'a dit Océane, ce conflit n'est pas résolu. Donc, ça ne peut que résulter dans les complications desquelles je vais vous parler aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans les derniers événements du conflit, je voudrais faire un petit aparté. Puisque justement ce conflit a tellement de parties prenantes et avec la montée de la désinformation, il y a beaucoup d'informations qui circulent et il est parfois difficile de discerner le faux du vrai. Dans les recherches que j'ai faites pour cet épisode, j'ai dû beaucoup chercher. Les articles les plus proéminents étaient d'ailleurs souvent par des sources plutôt douteuses. Et donc c'est pour ça que j'aimerais faire ce rappel sur les fake news, sur la désinformation, et combien il faut maintenant redoubler et tripler les efforts pour être sûr d'avoir les bonnes informations les plus impartiales possibles. La phrase « ne croyez pas à tout ce que vous lisez sur Internet » n'a jamais été aussi vraie. Et pour moi, c'est quand même important de le rappeler souvent. Lançons-nous donc dans le sujet. Et donc, en fait, je vais surtout faire un point chronologique sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc, les premières hostilités ont commencé le 27 septembre. Et c'est difficile à savoir qui les a initiés, puisque l'Azerbaïdjan et l'Arménie s'accusent mutuellement. Phrase que vous allez beaucoup entendre au long de mon intervention. Mais le ministère de la Défense arménien a été le premier à annoncer qu'ils ont reçu des frappes sur des civils en Haut-Karabakh. Ceux-ci ont répondu en abattant des avions azerbaïdjanais et ces derniers ont indiqué qu'ils l'avaient fait en tant que contre-offensive. Donc bon, on ne sait pas trop, mais à la fin, dès ce jour, l'Azerbaïdjan a dit avoir pris quelques villages en Haut-Karabakh, ce qui n'avait pas été confirmé par l'Arménie. Le lendemain, les hostilités se poursuivent. L'Arménie dit que les forces du Haut-Karabakh ont pu reprendre certaines des zones que l'Azerbaïdjan avait donc prises. Et l'Azerbaïdjan a dit en avoir pris d'autres. C'est dommage qu'on n'ait pas une carte animée, parce que ce serait intéressant au long de toute cette chronologie que je fais, de voir qui a avancé où, à quel moment. Enfin, ça bougerait vraiment beaucoup. Je me permets de faire un point là-dessus. Avoir une carte, quand on vous parle de sujets comme ça, de conflits, de frontières, c'est toujours important. Je sais que vous écoutez peut-être le podcast pendant que vous êtes dans le métro, si vous pouvez sortir, maintenant qu'on peut un peu plus sortir. Peut-être en faisant à manger ou quoi que ce soit, mais quand on vous parle de zones comme ça que vous connaissez pas bien, c'est vraiment important de voir de quoi on parle. Et effectivement, les cartes animées, Carolina, on est d'accord, c'est la vie. Je peux que vous recommander d'aller voir les émissions du Dessous des Cartes, même quand elles sont un peu vieilles, c'était une des meilleures émissions qui existait pour visualiser les conflits. Oui, c'est vraiment très intéressant, et là d'ailleurs je vais souvent parler de villages et villes qui ont été prises. Je vous dis pas tous les noms parce que justement ça ferait très lourd juste à écouter. C'est le genre de choses qui doit être visualisé. Revenons donc à la chronologie. Donc première hostilité le 27 septembre et à partir du 29 septembre, les choses se compliquent davantage puisque un autre État vient s'en mêler, la Turquie. D'où l'importance d'ailleurs d'avoir parlé de l'histoire de cette région parce qu'il y a d'autres États qui s'en mêlent. Donc un F-16 aurait abattu un ou deux Sukhoi-25 arméniens dans leur espace aérien. Le lendemain, l'Arménie affirme que des drones et des F-16 turcs se trouvaient dans l'espace aérien du Haut-Karabakh. Les hostilités ont continué les jours suivants, provoquant non seulement la mort de militaires, mais aussi de nombreux civils. Ça a été un des grands problèmes de ces dernières hostilités, c'est qu'il y a eu de nombreux civils et de zones civiles affectées. Les forces azerbaïdjanaises auraient commencé à cibler donc des infrastructures critiques aussi, notamment les réseaux électriques et des hôpitaux. Faisons un saut au 7 octobre, il y a eu des hostilités. Et ici, à chaque fois, je vais faire des sauts, mais il faut bien tenir en compte que la quasiment totalité des jours, il y a eu des hostilités, il y a eu des avancements d'un côté et de l'autre. Donc au 7 octobre, les autorités du Haut-Karabakh annoncent qu'environ 50% de sa population a été déplacée de force. Bon, comme vous imaginez, il y a beaucoup de développements, mais ils sont assez longs, ils sont assez confus. Je vous mets dans la description une chronologie complète faite par un service de l'Union européenne. Et c'est vraiment très détaillé, c'est très intéressant si vous voulez vraiment connaître tous les petits détails. Donc, dans tout ça, la Russie s'en est aussi mêlée en faisant le rôle de médiateur. Donc le 9 octobre, un cessez-le-feu a été accordé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, notamment pour qu'ils puissent échanger des prisonniers et malheureusement des corps. Sauf que dès le premier jour, il n'a pas été respecté. Ça fait un peu écho à ce que Océane a déjà dit. Les hostilités ont continué. Et le 14 octobre, le président de l'Azerbaïdjan accuse l'Arménie de cibler ses infrastructures critiques. Et ils s'accusent mutuellement de ne pas faciliter le processus de cessez-le-feu. Alors, infrastructure critique, il faut rappeler, alors Aurore l'avait déjà dit dans une de nos anciennes émissions, en droit international, on ne peut pas attaquer qui on veut, comme on veut, avec les armes qu'on veut. Il y a quand même des règles dans la guerre, c'est ce qu'on appelle le droit de la guerre, hein, tout simplement. Et il est notamment interdit d'attaquer des hôpitaux, par exemple, ou des écoles. Un cessez-le-feu, normalement, ça se respecte. Donc vous voyez, tout ça, ce sont un petit peu des violations du droit de la guerre. Ce sera intéressant dans quelques années, je ne sais pas ce que t'en penses, Carolina, hein, mais d'avoir du recul pour étudier quelles ont été ces violations, et peut-être pour voir s'ils sont amenés devant la Cour internationale de justice ou pas. Oui, d'ailleurs, retenez bien ce qu'a dit Océane par rapport à ça, puisqu'on n'a pas fini avec les infractions au droit international et au droit de la guerre, là, dans ce qu'on va vous dire. Mais donc, commençons par ça. Donc, il y a des infrastructures critiques d'un côté. Le 18 octobre, ils s'accusent à nouveau mutuellement de ne pas respecter le cessez-le-feu. Donc, vous voyez aussi pourquoi j'ai voulu dire que c'était difficile de discerner le vrai du faux dans cette affaire, parce que les critiques, les accusations vont vraiment dans les deux sens, elles arrivent à peu près en même temps, donc notamment de nos jours avec tous les articles du journal et surtout les réseaux sociaux. Mais parenthèse fermée. Alors, sans rentrer dans les détails, je voulais aussi juste mentionner que il y a eu un très grand nombre de mercenaires syriens qui sont venus participer au conflit. Donc, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué, mais c'est juste pour montrer à quel point c'est vraiment une question géopolitique au sens premier. L'importance de la géographie et de l'histoire dans ce conflit est vraiment à prendre en compte. Pour en revenir à la chronologie, il a continué à avoir des avancements d'un côté et de l'autre, des prises de villes, etc. Les deux pays continuent à s'accuser mutuellement du ciblage de zones résidentielles. Et puis, un nouveau cessez-le-feu est prononcé le 25 octobre, qui est à nouveau pas respecté. Et le lendemain, les deux pays s'accusent encore mutuellement de l'avoir violé. Ensuite, après plusieurs jours d'hostilité, le 8 novembre, le président azerbaïdjanais a annoncé la capture de Choucha, qui est une des plus grandes et importantes villes du Haut-Karabakh. Le lendemain, un nouveau cessez-le-feu a été accordé, toujours avec la Russie comme médiateur d'ailleurs, qui a toujours été en tant que médiateur pour tous ces cessez-le-feu. Mais il y avait aussi la France et les États-Unis, cette fois, il n'y avait plus que la Russie. Et le cessez-le-feu a été signé le lendemain, cette fois. Il stipule que l'Azerbaïdjan a le droit de maintenir son contrôle dans les régions qu'il a capturées en Haut-Karabakh, et ça en est quelques-unes, notamment trois villes assez importantes, et de ses zones adjacentes. Des soldats de maintien de la paix russes sont dans la région, notamment dans le couloir de Lachin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée, qui connecte le Haut-Karabakh à l'Arménie. Donc, bon, c'était peut-être un peu confus, on parle beaucoup de mutuellement, de s'accuser mutuellement, de prendre des villes d'un côté, prendre des villes de l'autre, mais ça a réellement été comme ça, ça a été très tendu, très compliqué. Mais vous avez tout plus en détail dans la description, dans des liens qu'on vous met. À la fin, le triste résultat, en début de mois de novembre, était de 40 000 personnes temporairement déplacées selon le gouvernement azerbaïdjanais, donc dans leur territoire, tandis que l'Arménie a annoncé 90 000 civils d'ethnicité arménienne qui ont dû fuir le Haut-Karabakh et qui sont accueillis en Arménie. Autour de 1300 morts dans le personnel militaire ont été annoncés, ainsi que des centaines de morts civiles des deux côtés, sans compter tous les blessés qu'il y a eu. Au long du conflit, les deux côtés ont également été accusés d'utiliser des armes bannies par le droit international, notamment des armes à sous-munitions. C'est pour ça que je disais que c'était important de se rappeler de ce que disait Océane, puisque les deux côtés ont été accusés de violer le droit international et le droit de la guerre. Donc, j'aimerais bien, mais je ne suis pas une experte de cette question du tout. Donc, je ne peux pas vraiment faire de prévision sur ce qui va se passer par la suite. C'est vraiment un conflit très compliqué. Il y a des tensions et des hostilités qui sont quand même assez régulières, du moins les tensions, peut-être pas les hostilités, mais au moins les tensions sont assez régulières. Mais pour le moment, ce qui est important de noter sont les points suivants. Donc, tout d'abord, comme Océane a bien voulu le mettre en avant plus tôt, pour le moment, nous n'avons qu'un nouvel accord de cessez-le-feu. Donc, il n'y a toujours pas d'accord de paix entre les deux pays. Dans celui-ci est donc incluse la mission de maintien de paix par des soldats russes, qui doit durer 5 ans. Il est prévu que 2000 soldats soient envoyés dans la région, et notamment dans le couloir Lachin dont je vous ai mentionné plus tôt. Cependant, je ne suis pas sûre que ce soit une garantie en soi, puisque le problème initial mentionné par Océane subsiste. Malgré le fait que géographiquement, l'Azerbaïdjan réclame le territoire comme le sien, la population reste à grande majorité arménienne. Et après l'histoire compliquée que ce pays a vécue, ils voient aussi ça comme une attaque à leur intégrité, voire un nouveau génocide. En plus, en dehors de tout ça, il ne faut pas oublier donc, que ces deux pays ne sont pas les seuls impliqués. Il y a aussi la Russie, mais aussi la Turquie qui s'est battue aux côtés de l'Azerbaïdjan et qui d'ailleurs a été accusée de faire repartir les hostilités après le premier cessez-le-feu. Donc tout ça ajoute des variables aux possibilités de l'évolution du conflit. Oui, totalement. Surtout que, alors, vous voyez ce que Carolina vous a cité comme pays, Russie, Turquie, on parle quand même d'États soit qui ont été impliqués à un moment donné dans l'histoire récente de l'Arménie dans une prise d'influence ou carrément une guerre, ou alors ils sont les États continuateurs d'empires qui ont eu une influence sur la région. En fait, si on observe aujourd'hui une telle difficulté sur ces points-là, c'est bien parce que ce sont des régions qui ont une forte identité. Pour une raison ou pour une autre, hein, l'Arménie c'est quand même beaucoup sur à la fois la culture et à la fois la religion, qui n'est pas la religion principale de la zone, hein, dont les frontières ont toujours été finalement décalées, violées, qui n'ont jamais eu complètement une indépendance, ou alors c'était mouvant parce que les empires sont passés par là. Et il faut comprendre pourquoi il n'y a pas de stabilité dans cette région. Effectivement, Carolina, il va falloir faire attention à la manière dont la situation évolue, parce que ce ne serait pas la première fois qu'il y aurait et qu'il y a hein, des violations des droits de l'homme dans cet espace qui est finalement déjà un espace assez chaud, puisqu'on se trouve juste à côté de la Syrie, de l'Irak, on se trouve à côté de la Turquie, on n'est pas loin de cette frontière où il y a eu beaucoup de combats. Sur un point qui n'a absolument rien à voir, hein, mais qui est Daesh, mais finalement, c'est pas si loin que ça, et tous ces conflits-là, en fait, augmentent la déstabilisation de la région. C'est assez intéressant, je trouve, que la France se soit un petit peu impliquée dans le sujet, et fait des déclarations. Ce sera à suivre, ce sera à voir si ça a le moindre impact ou pas. Quoi qu'il en soit, la question de l'autodétermination des peuples, et la question de... on a donné une partie d'un pays à un autre à un moment donné. L'Union soviétique avait fait ça avec l'Azerbaïdjan. Vous voyez quel type de problème ça pose. C'est d'ailleurs, et je me permets de terminer là-dessus, c'est exactement le problème qui s'était posé avec la Crimée en Ukraine. C'est-à-dire que la Crimée était historiquement, faisait partie de l'État russe, mais l'Union soviétique, en tant qu'ensemble, l'avait donné en cadeau à l'Ukraine. Donc l'Ukraine considérait que c'était bien elle, hein, cette partie-là, la Crimée était peuplée principalement de Russes, et donc là la grande question se pose, qu'est-ce qu'on fait quand un État, enfin une région est peuplée majoritairement d'un type de personnes, hein, d'une culture particulière, d'une nationalité particulière, mais qu'elle est rattachée à un autre État? C'est encore plus compliqué quand vous avez des minorités qui sont souvent, hein, dans le cadre de ces conflits, un petit peu pointées du doigt ou carrément massacrées. Néanmoins, c'est un conflit dont on entend peu parler, alors on en a un peu entendu parler ces dernières semaines, mais c'est un conflit qui est latent, qui à mon avis se résoudra pas aujourd'hui, ni l'année prochaine, ni dans 10 ans. C'est quelque chose qui va rester tant que les États n'auront pas fait la paix entre eux, et entre la Turquie et l'Arménie, la paix est un petit peu compliquée quand un des deux pays nie le fait qu'il y a eu un génocide. Entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, finalement, ça commence à faire longtemps qu'ils sont en guerre et ils n'ont pas plus de raisons de ça, de se réconcilier, hein, même s'il pourrait y avoir des raisons économiques, mais globalement pas trop. Vous êtes à côté de l'Iran, de la Syrie, qui sont des zones instables géopolitiquement parlant depuis... un petit moment aussi, et vous avez au nord la Russie qui garde une influence finalement assez médiatrice, mais qui pourrait, en favorisant un des acteurs, renverser la situation et reprovoquer du conflit. Donc, tout ça pour dire, soyez intéressés par ce qui se passe, surtout autour de la Turquie, parce que la Turquie est assez active ces derniers temps, sur pas mal de fronts en même temps. Donc regardez ce qui s'y passe, soyez intéressés, et n'hésitez pas à regarder les cartes de manière un petit peu différente, et on connaît tous par cœur la carte de l'Italie, commençons à regarder ce qui se passe un petit peu plus loin, notamment dans ces pays qu'on connaît peu. Regardez ce qui se passe à ce niveau-là, allez regarder ce qui se passe sur les frontières du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan, du Turkménistan, sont tous les pays en stand, hein, finalement, qu'on connaît assez peu, en tout cas en France. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser, parce qu'il se passe des choses extrêmement intéressantes et qui ont des impacts sur les relations internationales. Vous aurez justement un article avec une carte aussi dans la description, fait par le International Crisis Group, que j'ai beaucoup aimé, mais ils ne sont pas le seul think tank à avoir fait une carte pareille, mais c'est vraiment une carte évolutive depuis le début, bon, peut-être pas le début du conflit, mais depuis au moins les années 90, donc le plus récent, et l'évolution, c'est vraiment très intéressant. Donc je vous invite à le lire. Sur ce, on va arrêter de vous parler d'une région que vous ne savez pas placer sur une carte, ou peut-être que maintenant vous savez placer sur une carte. Et on vous dit au mois prochain pour un grand dossier avec de nouveaux invités.